Mouloudi Dir au micro pour cette partie française. Je vais tout de suite m'entretenir avec mon collègue et camarade Aziz Fall, que vous connaissez, d'origine sénégalo-égyptienne, politologue de formation, qui enseigne également les sciences politiques et les relations internationales à McGill, à l'Université McGill et à l'UQAM. Aziz suit avec grand intérêt, donc, bien entendu, ce qui se passe dans son pays d'origine, le Sénégal. Donc, pays qui a donc connu un premier tour d'élection présidentielle la semaine dernière. Nous sommes entre les deux tours. Le deuxième tour est prévu pour le 26 mars. Donc, on arrive au troisième mandat du président actuel, qui est M. Abdoulaye Wade. Je vous rappelle qu'Abdoulaye Wade est arrivé au pouvoir au début des années 2000. Il a succédé finalement au président Abdou Diouf à l'époque, dans ce vent de changement dans ce pays. Alors, aujourd'hui, donc, il y a une véritable mobilisation de la société civile sénégalaise. Malgré tout le tripatouillage constitutionnel auquel il a pu procéder, donc, le président Wade, précisément, pour pouvoir se représenter malgré son âge avancé et malgré sa sénilité de plus en plus avéré, s'il fallait se fier à la presse sénégalaise et aussi à beaucoup d'autres journaux. Le président Wade n'a pas pu obtenir la majorité au premier tour, donc il doit se livrer à son principal opposant qui est arrivé deuxième, Macky Sall, avec 28% des voix. Abdoulaye Wade n'a récolté que 32% des voix, donc au premier tour. En attendant les deux tours, on va essayer de comprendre quelques-uns des enjeux sous-jacents à cette joute électorale. Aziz, merci donc de t'entretenir avec nous. Merci beaucoup. Alors, quelle est la lecture, donc, en première vue, que tu fais de ce premier tour des élections présidentielles et comment se polarise la société sénégalaise dans le cadre de ces élections? Bon, d'abord, il faut dire que les élections se sont tout de même déroulées dans des circonstances plutôt calmes, étant donné les deux à trois semaines qui ont précédé la première joute électorale. Il s'agissait pour une partie de l'opinion publique de contester la viabilité de cette candidature qui semblait avoir été, comme vous l'avez dit un peu, une sorte de coup d'État constitutionnel. Abdoulaye Wade arguant qu'il avait le droit de se présenter pour un troisième mandat. Il se trouve que la constitution sénégalaise, relativement mal écrite à cet égard, a considéré que, effectivement, Abdoulaye Wade avait fait deux tours, mais qu'en vertu d'un changement constitutionnel, ce tour-là ne pouvait pas compter et donc il pouvait toujours se présenter, en fait, ce qui serait pour une deuxième fois et non pas une troisième fois. Donc ça a été un problème d'interprétation, d'argutie juridique. Toujours est-il que pendant que les gens discutaient, Abdoulaye Wade battait campagne et devant ce fait accompli, les gens ont finalement, de guerre lasse, eu à se rendre aux urnes. D'abord, un taux d'abstention important. Ensuite, par le fait que, contrairement à ses attentes, il n'a pas pu, contrairement à ses analyses, arriver gagnant au premier tour, quoique il n'y avait pas déjà une candidature devant lui. Il y en avait plusieurs, toutes des personnalités capables de diriger le pays, toujours capables de le faire, et qui contestaient à la fois le caractère juridique, mais aussi le fait que son âge avancé ne devait pas lui donner une occasion supplémentaire de briller pour un troisième mandat. Le président Wade fait remarquer qu'en fait, il veut prolonger son œuvre, en d'autres mots, que son chantier n'est toujours pas achevé et que, probablement souffrant du syndrome senghorien, il souhaite quitter en laissant le témoin à son successeur. Or, c'est là que justement arrive le deuxième élément très sensible et il faut retourner au mois de juin pour comprendre ce qui s'est passé. Au niveau constitutionnel, le président Wade s'est échiné en juin dernier à faire passer une nouvelle forme de constitution qui créerait une sorte de vice-présidence dans laquelle on lui prêtait l'intention d'installer son propre fils, ce qui a été rejeté par la rue. Et à la faveur donc de ce mouvement de mobilisation depuis le juin, à la faveur aussi du vent et printanier dans toute l'Afrique du Nord, les jeunes ont pris conscience à la fois de leur pouvoir et donc ont contesté la validité de sa possible candidature, ce qui a amené effectivement une attention accrue sur ces élections, mais qui cache derrière cela évidemment d'autres enjeux beaucoup plus profonds. Alors justement, si au début des années 2000, pour succéder finalement au président Abdou Diouf, la société sénégalaise, en tout cas l'opposition, a pu se constituer, a pu se liguer donc autour d'une candidature qui était justement celle de Wade, comment se fait-il que l'opposition sénégalaise n'a pas pu faire front commun précisément dans le cadre de ces élections? Non, c'est exactement dans les mêmes condition que ce qui est en train de se passer actuellement, que Abdou Diouf a été démis. C'est-à-dire que Abdoulaye Wade n'était pas le candidat de l'opposition. Il y en avait autant qu'il y en avait aujourd'hui. C'est tout simplement au sortir du deuxième tour qu'il s'est avéré qu'il s'était la personne la mieux placée pour laquelle il y a eu un report de vote. La situation dans laquelle Macky Sall se retrouve aujourd'hui est celle que Abdoulaye Wade a connue. Cependant, il est arrivé au pouvoir avec une coalition qu'il s'est très très vite empressé de démettre, puisqu'il n'avait pas de documents contraignants qui pouvaient le pousser. C'est ce qui explique d'ailleurs que des gens comme nous, qui avons pourtant participé à cette nébuleuse de la gauche qui fait au fond les rois aujourd'hui au Sénégal, se sommes retirés du processus. Nous avons essayé de lancer le mouvement des assises de la gauche qui a échoué, et c'était les seules façons contraignantes de pouvoir au moins baliser le cheminement de Wade. En lieu et place, le président a eu les coudées franches, il s'est lancé dans une politique qui n'était même pas du néolibéralisme, qui était une sorte de politique affairiste, patrimonialiste, extrêmement engagé sur le bradage des ressources, sur l'ouverture aux capitaux étrangers, sur un cercle tout à fait affairiste, et il a pu diriger et se créer toute une véritable strate. Aujourd'hui, il est en position encore de monnayer la transition et une troisième réélection. Et donc, au fond, ce qui s'est passé avec Diouf, c'est une sorte de bis repetita. Macky Sall se retrouve dans la même position que Wade en 2000. La seule différence, c'est que certaines des formations politiques, par exemple celle de Idrissa Seck, l'ancien premier ministre de Wade, peut jouer à deux niveaux. Soit tout le monde sait qu'il n'aime pas Macky Sall, Idrissa Seck, donc il est possible qu'il veuille reporter son vote vers Abdoulaye Wade, ce qui ferait de lui une sorte d'héritier présomptif de nouveau, mouvement de yo-yo que Wade a eu à jouer avec ses trois principaux fils présomptifs, son fils biologique et ses deux fils idéologiques. Tous ces gens-là l'ont lâché, et donc actuellement le gros, c'est quel genre d'alliance est en train de se tisser au moment où on se parle, et le grand silence du camp présidentiel montre qu'en réalité, il doit probablement essayer de soudoyer plusieurs des formations politiques. Alors justement, advenons que Macky Sall arrive à l'emporter au deuxième tour, quel est le projet politique de celui-ci et dans quel cadre s'inscrit-il? Est-ce qu'il y a des ruptures qui sont possibles avec le président Abdoulaye Wade ou nous serions dans une sorte de continuité? Parce que quelle est finalement la position idéologique et le projet de société que propose Macky Sall pour les Sénégalais? Bon, en toute franchise, je pourrais peut-être paraître un peu sévère, c'est-à-dire que Macky Sall, c'est une sorte de clone de Abdoulaye Wade, c'est quand même quelqu'un qui l'a accompagné, ça a été son directeur de campagne, ça a été son premier ministre, c'est une de ses, pour être un peu sévère, une de ses créatures politiques qui va s'émanciper et qui a trouvé en fait sa liberté parce qu'il avait osé critiquer les chantiers et des présomptions d'enrichissement illicite du fils Wade Karim. Et donc ça, il est tombé en disgrâce, ce qui lui a permis à la fois de former un parti politique et d'avoir lui-même une nouvelle plateforme politique et une nouvelle formation. Mais ceci dit, au niveau idéologique, c'est quand même un libéral. Donc au fond, c'est ça qui peut paraître un peu cornélien. Les Sénégalais doivent choisir entre deux formations politiques qui sont toutes les deux au centre droit de l'échiquier, qui sont au fond l'envers et l'avers de la même médaille, hormis que Macky Sall se présente comme un peu plus intègre, n'ayant pas le passif que Abdoulaye Wade a. Une fois qu'on a dit cela, il y a par contre une deuxième donne qui est très importante, qui est que lorsque le mouvement des assises de la gauche a échoué, il s'est substitué les assises nationales. Et à l'issue de ces assises nationales, il a été quand même produit un canevas, un projet, pas un projet de société, mais un projet de gouvernance du pays, qui a été avalisé et accepté par pratiquement l'essentiel des partis d'opposition, et qui semblerait être le contrat que Macky Sall devrait signer pour que les autres formations politiques viennent l'adouber. Et donc actuellement, c'est ça qu'il y a comme lien entre la plupart des gens qui veulent l'amener au pouvoir, c'est qu'il l'amènerait au pouvoir à condition qu'il accepte les conclusions des assises nationales. Alors justement, pour comprendre bien les rouages politiques de la société sénégalaise, il faut sans doute comprendre finalement ce que tu décris qui est les rouages des différentes des partis politiques, mais c'est sans doute qu'il faudrait comprendre aussi les acteurs sociaux structurants dans la vie politique de ce pays, notamment les confréries maraboutiques qui adoubent précisément les candidats à telle ou telle élection. Qu'en est-il précisément des Tidjaniya et des Mourides? Bon, le chef de l'État ne se cache pas du tout de son allégeance mouridique, mais la bonne et mauvaise nouvelle dans cette histoire, c'est que les fronts maraboutiques se sont fragmentés. C'est-à-dire que la puissance de ces cercles maraboutiques au niveau financier n'a pas permis de les coaliser, mais davantage à créer des formes d'enclaves au sein des cercles maraboutiques avec parfois des cheminements assez disparates. Donc une sorte de dispersion des itinéraires maraboutiques. Ce résultat est plus ou moins une bonne nouvelle dans la mesure que cette fragmentation fait qu'il n'y a pas un seul mot d'ordre possible, comme ce fut dans le passé, de voter pour un seul candidat. Ceci dit, par contre, les cercles maraboutiques et confrériques se sont ramifiés au sein des nébuleuses affairistes, aussi au sein des affaires. Or, ce qui n'est pas expliqué, c'est que les gens des Émirats, les Émiratis, Dubaï, les cercles chinois, les milieux d'affaires européens ont profité de l'embellie et du néolibéralisme à outrance, l'ouverture du secteur minier, l'ouverture du secteur maritime et aéroportuaire, bradé par le président dans la lancée. Et donc, il va y avoir aussi dans ces cercles maraboutiques des forces qui vont profiter de ces cercles affairistes, qui doivent aussi toucher à la question foncière, etc. Ceci dit, ceux qui arriveront au pouvoir vont avoir beaucoup, beaucoup de mal à gouverner le pays, puisqu'une grande partie de l'économie a été bradée. Alors justement, là tu parles, si tu veux, des ramifications que ces confréries ont déployées et ont tissées avec toutes sortes d'intérêts locaux, régionaux, internationaux, de sorte qu'on a appris récemment dans la presse que même le port de Dakar est détenu par des intérêts précisément des pays du Golfe. Alors on aurait tendance à croire a priori que le Sénégal, les parrains de ce système, c'est finalement l'héritage colonial, donc la France, mais est-ce que c'est si simple ou bien il y a dans la mutation géopolitique de nouveaux intérêts qui jouent en arrière-fond pour comprendre la situation politique dans ce pays et plus largement dans cette région? Oui, en fait, dans toute la région, la France n'a plus le rôle qu'elle avait. C'est-à-dire que la France classique a beaucoup perdu. La France-Afrique est toujours présente. La France a même réduit son dispositif militaire dans la sous-région. Le Sénégal a bénéficié d'une forme d'embellie économique à la faveur de la crise en Côte d'Ivoire. Et aussi du fait d'avoir été déclassé par le Burkina Faso, qui a joué un peu le rôle de soupape dans la sous-région. Mais ceci dit, la France revient plus ou moins en force, mais elle se retrouve avec d'autres intérêts économiques. Il faut dire que les cercles sont nombreux, en plus des cercles France-Afrique, franc-maçon, vous avez des circuits libanais, vous avez de nouveaux circuits chinois, autres extra-européens et asiatiques qui se profilent dans toute la sous-région. Et là, aujourd'hui, il n'y a plus vraiment d'étanchéité entre tous ces éléments. Alors, tout à l'heure, tu semblais finalement nuancer les propos que je tenais quand je disais que Wade était le candidat adoubé par une partie de la classe politique en 2000. Toujours est-il qu'au Sénégal, on connaît une tradition de gauche qui existe, qui est incarnée par le Parti africain pour la démocratie et le socialisme, des hommes comme Batilé, Ahmed Dansoko. Que devient finalement ce mouvement de la gauche sénégalaise? Est-ce qu'il constitue une force ou bien il est crypto-personnel ou bien il est complètement disparu du paysage? Quel est le finalement, qu'est-ce qui reste de la tradition de gauche dans un pays comme le Sénégal? Oui, alors ces forces sont là. Elles ne sont pas nécessairement groupusculaires. Malheureusement, elles n'ont pas une assise populaire très forte. Elles sont fragmentées elles-mêmes, ont du mal à s'unir. Mais une fois de plus, elles se retrouvent dans une position historique où c'est grâce à elles que celui qui arrivera au pouvoir le sera. Donc, entre-temps, il faut nommer en plus de cette gauche qui se présente comme la gauche dite historique. Vous avez les formes du centre-gauche, l'ancien parti au pouvoir, le parti socialiste mené par Tan Ordian, et une partie de sa dissidence qui est très importante, qui est arrivée troisième, représenté par Moustapha Niass, l'AFP. Donc ces deux partis qui sont au fond issus du même creuset, en plus de la gauche et dite de l'extrême gauche, forment en fait ceux qui vont rendre présidentiable le prochain chef d'État. Alors une dernière question, plutôt géopolitique régionale. Tu as parlé de toute sa tradition à la limite panafricaniste qui a toujours existé dans ce pays. Senghor l'a porté à sa façon, les dernières formations de gauche qu'on vient de nommer et d'autres. Alors comment, par exemple, les Sénégalais ont-ils perçu le fait que le président Abdoulaye Wade a été l'un des rares chefs d'État africains à se positionner dans la crise libyenne en allant tout de suite, en se rendant à Benghazi et en allant apporter une sorte de caution morale au président Sarkozy? En fait, ce n'était pas une sorte. Je pense que ceux qui connaissent ceux qui connaissent la politique sénégalaise savent qu'en fait, l'ère du tirailleur n'est pas révolue. Donc, il s'agit de la poursuite sempiternelle d'un projet en faute de soutien de l'impérialisme. C'est des régimes de nature comprador qui sont là pratiquement depuis un siècle et demi, avec parfois des élans plus ou moins patriotiques nationalistes. Lorsqu'il s'est agi d'aller chercher des subsides panafricains, Wade était le premier sur la ligne de front pour faire l'avocat des États-Unis d'Afrique. Le NEPAD. le NEPAD entre autres, mais surtout le projet de l'Union africaine et des États-Unis d'Afrique, où il a engrangé beaucoup d'argent avec son ministre des Affaires étrangères, Tidiane Gadio. Et lorsqu'il s'est agi de mettre à bas et de finir le régime libyen, c'est lui qui a donné les leçons et qui a été effectivement le premier à y être dans les pays africains pour adouber la nouvelle formation qui, comme on le voit aujourd'hui en Libye, a du mal à résister contre les risques de sécession même de la Libye, de plusieurs franges de la composante à la fois régionale et ethnique. Mais comment ça a été perçu par la population sénégalaise ? Comme je vous dis, c'est un pays qui est divisé. Donc une portion de la population qui a toujours joué ce rôle plus ou moins de tirailleur, de collaboration, ne voit même plus véritablement autre chose que de la réelle politique. C'est perçu comme de la réelle politique. C'est le rapport de force avec le néocolonialisme qui fait que le Sénégal en est un acteur. Et les autres, évidemment, continuent de déplorer, comme cela a été depuis un siècle et demi, la situation de collaboration, la trahison des élans panafricains. Donc il y a une différence, un fossé entre le discours et la véritable pratique. Alors Aziz, on ne pourra pas aller beaucoup plus loin. Merci pour ces éclaircissements. Alors pour ceux qui s'intéressent précisément à approfondir cette question des tirailleurs sénégalais dans une perspective plus critique, je leur recommande de voir notamment ce grand film du cinéaste sénégalais Ousmane Sembène, Le Camp de Tiaroy. Voilà, donc que vous pouvez trouver sur Internet, sur YouTube, Le Camp de Tiaroy. Une petite pause musicale et on revient tout de suite après avec l'entretien avec Jean Coppens autour de son dernier livre, Un demi-siècle d'africanisme africain, terrain, acteur et enjeu des sciences sociales en Afrique indépendante. Oui, ça c'est